Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Quai-Ciné. Salut Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah, très bien, en cette période estivale où la chaleur bat son plein, il fait bon d'aller dans les salles de cinéma, au frais. Oui. Et on n'a pas manqué d'y aller puisque aujourd'hui nous allons vous parler donc de Deadpool et Wolverine qui étaient... Je sais pas s'il était très attendu, mais en tout cas, voilà, Deadpool, c'est un super-héros adulé par tout le monde. Par les fans de Marvel, il était plutôt attendu. Ouais. Effectivement, bah, avec le rachat de la Fox, on avait extrêmement peur. Enfin, le rachat de la Fox par Disney, on avait extrêmement peur. Et franchement, je pense que le rendez-vous est plutôt gagnant et plutôt bien... On est bien sorti. On s'amuse bien, en effet. Donc, pour rappeler l'histoire, après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, donc le fameux TVA, lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. Alors, qu'en as-tu pensé, Aurore? Alors, moi je suis plutôt fan des films Marvel depuis assez longtemps. Personnellement, ouais, ça fait du bien. Il s'en moque effectivement dans tout le film, hein, de nombreux échecs là, récents de chez Disney en général. Oui, oui. Et là, c'est ça qui fait du bien. Ok, on n'est pas les seuls à se rendre compte que ça va pas. Chez Marvel aussi, se rendre compte que ça va pas. Effectivement, artistiquement, que ce soit les chorégraphies, les musiques qui sont vraiment bien, les chorégraphies de danse, hein, et oui, on peut le dire, oui. De combat aussi sont très très bien filmés, les ralentis extrêmement bien placés, pile au bon moment, avec tous les sous-entendus qu'on attendrait venant de Deadpool. Et voilà, donc franchement, ça fait du bien, on rigole très très bien dans la salle. Pour les personnes qui connaissent plutôt bien l'univers, notamment l'univers de la Fox, des X-Men et compagnie, c'est un peu un grand moment de nostalgie, j'ai trouvé. On retrouve plein de personnages, de super-héros qui reviennent, qui avaient une place importante et qui fait toujours plaisir aux fans. Des petits easter eggs toujours très bien placés, surtout quand on est au courant de l'actualité, de la filmographie des différents acteurs, notamment sur Hugh Jackman, il en rigole plutôt bien, parce que voilà, il était à la base dans le théâtre, dans l'opéra, il a fait des opéras. Ouais, des comédies musicales, ouais, effectivement. Donc voilà, c'est beaucoup de blagues là-dessus, et quand on les comprend, franchement, on passe un bon moment. Après, effectivement, c'est un film de fans, si on comprend pas... Bon, évidemment, il faut déjà avoir vu les deux premiers Deadpool. Après, si on les comprend pas, si on connaît pas qui ils sont... Enfin, les acteurs, bon, on sait qui c'est, mais si on sait pas ce qu'ils ont fait d'autre, si on connaît pas l'univers X-Men, c'est vite compliqué de savoir qui est qui. Et même si... Après, enfin voilà, c'est le but du MCU, c'est tout un univers, et si on voit qu'un film parmi plein d'autres, on ne comprend pas grand-chose. Oui, c'est le but. Voilà. Ouais. Non, mais je te rejoins tout à fait. Ça fait du bien, ce petit coup de pied dans la fourmilière, parce que bon. Ouais. Marvel s'encroutait depuis un certain temps, enfin avec des films très balisés, rien d'exceptionnel. Et là, en effet, on était content de revoir Deadpool au cinéma, passer du coup réellement dans le MCU cette fois-ci. Et le fait de ramener Wolverine, c'était un peu inattendu parce que voilà, Wolverine avait eu son baroud d'honneur avec Logan, qui était incroyable. Donc le fait de le voir revenir, on pouvait s'attendre au pire, mais finalement, ça marche très bien. Je pense que Hugh Jackman, il a dû kiffer, mais vraiment beaucoup. Ouais, je pense qu'il prend énormément de plaisir. Puis bon, avec Ryan Reynolds, je pense que le duo fonctionne très très bien. Comme tu l'as dit, on retrouve bien l'univers de Deadpool, même si c'est quand même différent des deux premiers. Enfin, au niveau de l'histoire, en effet, on est c'est plus un sur un film fan nostalgie. Après le fan service, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec le Spider-Man No Way Home là, qui est sorti dernièrement, où c'était un peu aussi fan service. Hein. Les spectateurs disaient que justement, c'était mieux amené dans Deadpool et Wolverine que dans le Spider-Man No Way Home. Oui, effectivement. Et puis, il en rigole aussi pas mal. C'est ça aussi, cette touche d'humour Voilà, Marvel ramène un super-héros, c'est juste pour l'utiliser jusqu'à ses 90 ans. Voilà. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est que ça fait énormément écho à l'actualité, hein, avec l'annonce de Robert Downey Jr. Oui. qui vient en Doctor Doom. Mm. Voilà, tout le monde dans les commentaires des différentes publications qui l'annonçaient sa venue, notamment quand il s'est montré dans le Hall H du Comic-Con. Tout le monde voilà, a ressorti cette phrase-là comme blague. Et effectivement, dans tout le film, on en rigole, on s'en moque de fait que Marvel, en fait, réutilise toujours les mêmes choses, refait toujours les mêmes choses. Notamment, il se moque des longs monologues, des films de 3 heures, etc. C'est ce qu'on attendait de Deadpool. Et c'est ce qu'on avait un petit peu peur, que Marvel censure, on va dire, un petit peu ça. Enfin, surtout Disney, qui n'est pas connu pour être très, très trash et aimer les critiques. Voilà, on se souvient très bien de l'histoire de James Gunn, hein, qui s'est fait virer pour bien moins que ça. Donc là, non, franchement, c'est un pari qui est plutôt bien réussi. Après, je pense que le film n'aurait jamais été fait s'ils n'auraient pas eu cette liberté-là. Et on voit qu'il y a une vraie synergie entre Hugh Jackman et Deadpool, et même le réalisateur, hein, franchement. Oui, bah, Sean Levy, ils connaissaient déjà Ryan Reynolds parce qu'ils avaient fait Free Guy ensemble, que j'avais bien aimé aussi, qui était vraiment très sympa, très bien fait. Donc tu sens une vraie complicité à la fois devant et derrière la caméra. C'est sympa, on retrouve en effet les anciens acteurs, même si en effet le film se concentre beaucoup sur le duo. Oui, ça met un peu de côté les anciens. En effet, on a ce côté fanservice avec le fait de retrouver les anciens super-héros. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, ils ont teasé, mais sans dévoiler quoi que ce soit. Enfin, moi, personnellement, j'ai été dans la totale découverte pendant le film. J'ai dû voir le premier trailer, un des tout premiers teasers qu'ils ont sorti. Et après, je me suis dit, je regarde pas la suite. J'ai pas regardé justement pour me spoiler sur rien du tout. Après, voilà, ils avaient spoilé juste le costume. Oui. Bon, après, ça faisait 26 ans qu'on l'attendait. Oui. Donc, au bout d'un moment, il faut communiquer auteur. Mais effectivement. Et puis, voilà, l'humour est top, toujours aussi, trash, irrévérencieux, bien évidemment. Les nouveaux ajouts, voilà, avec la connexion avec notamment les séries. Disney Plus, parce que vous parlez du TVA, qui fait référence à la série Loki, notamment. Tu l'avais regardé, la série Loki? Oui, qui est une très bonne série. Donc c'est vrai que voilà, comme tu dis, si tu suis pas l'univers, tu peux être un peu perdu. Et franchement, oui, si tu vas voir ce genre de film, c'est que t'as suivi un peu ce qui s'est passé. Normalement, tu t'intéresses un minimum, parce que sinon il y a pas trop d'intérêt d'aller le voir comme ça sur un coup de tête. Bon, après, tu peux aimer, ça peut te donner envie de voir justement les autres films, mais voilà, c'est vrai comment que tu prends plus plaisir quand t'as déjà suivi ce qui se passait. Quoi. Quand tu commences par un 3 en plus, un fan service, c'est... Ouais, c'est compliqué. Ouais, effectivement. Ouais. Donc je pense que ça va cartonner, enfin il n'y a pas de raison, Deadpool ça a toujours bien marché. Je pense qu'on retrouvera indéniablement Deadpool et possiblement Wolverine dans le MCU. C'est même une certitude. C'est pratiquement sûr. C'est sûr. Même si voilà les scènes post-génériques finalement, c'est plus nostalgie. Ouais. Voilà, en revenant sur des anciens tournages et puis là une blague à la fin. Oui, bien sûr. Voilà, ça tisse pas autre chose. Non, non. D'ailleurs, je crois que c'est le seul Marvel à sortir cette année, je crois, il me semble. Oui, normalement, le prochain, c'est alors oui, il y a des séries. Il y a la série sur Agatha. Agatha, je sais plus son nom de famille, qu'on avait aperçu dans WandaVision, merci, qui sort cette année. C'est ça. C'est celle que j'ai en tête, en effet. Et sinon, après, il faut attendre l'année prochaine pour, en février prochain, si je ne dis pas de bêtises, avoir le prochain Captain America. Ouais, et puis il y a les Quatre Fantastiques aussi, je crois. Oui. Mais c'est la première fois que Marvel sort qu'un seul film. Ouais, alors qu'habituellement, il y en a trois par an. C'est ça, mais ils se sont dit qu'ils allaient se calmer. Oui. Bah, en fait, il y a eu la grève des acteurs qui a fait repousser pas mal de films. Et là, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être se calmer pour se faire que deux films par an et se concentrer sur la qualité. Sur la qualité, parce que franchement, ça fait depuis Endgame, on voit très bien que la qualité baisse. Les effets spéciaux sont plus du tout au rendez-vous. C'est de moins en moins artistique et on pousse de moins en moins sur les scénarios parce qu'on fait un peu des films à argent. C'est ça. Et puis à émotion. Donc, ils s'en sont rendus compte. Ça fait du bien parce que, Endgame, c'était quoi 2018 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, 5 ans pour s'en rendre compte, c'est. Après, c'est voilà, là, tant mais... que le public est là et que ça rapporte, bon, ils s'en fichent un peu, mais là, ils ont quand même vu que les recettes avaient baissé, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Ils se sont calmés là-dessus, ils se sont dit, bon, on va peut-être revoir notre stratégie. Bon, bah, déjà, on l'a vu, tu parlais de Doctor Doom, bon, bah, ils ont écarté complètement Kang, avec ce qui s'est passé, malheureusement, avec l'acteur principal. Donc, ils font table rase de ça pour amener un nouveau méchant. D'ailleurs, le prochain Avengers, ça sera en 2026, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 27, enfin. Ouais, 2026. En deux parties, hein, voilà, toujours. Donc, à voir ce que va donner la suite. Mais en tout cas, je sais pas, t'as vu la bande-annonce du prochain Captain America ou non ? Oui. Avec Red Hulk et compagnie. Ouais, j'ai vu. Pourquoi pas ? Enfin, je me dis, voilà, ils avaient fait la série Falcon, là, et le soldat de l'hiver. Je trouve que ça ressemble beaucoup aux deux. Mmh. Ah oui. Je trouve que ça ressemble beaucoup au Captain America 2. Moi, j'ai eu un petit peu peur en voyant la bande-annonce, je me suis dit, on a vraiment l'impression de voir Captain America 2. Quoi. Qui avait d'ailleurs, dans mes souvenirs, cartonné et qui est quasiment l'un des préférés, je crois. Mais faire une redite, je ne sais pas si c'est très utile. Après, il faut qu'ils les réussissent à nous convaincre en Captain America, parce que je ne sais pas toi, mais la série, moi, pour l'instant... Oui, elle n'était pas incroyable. Non, c'est vrai, c'est pareil, ça se regarde, mais voilà. Six épisodes pour essayer de savoir s'il va le devenir ou pas, pour qu'au final, il le devienne. Oui, sachant qu'on le savait déjà, donc... il n'y a pas trop de surprises. Non. En effet. Mais en tout cas, oui, on ne peut que vous encourager à aller voir Deadpool et Wolverine, qui est le film de l'été par excellence. Hein, franchement, voilà, on prend un pied monstre, et puis voilà, on attend de voir la suite maintenant. Bien sûr. Comme à chaque fois, Aurore met en avant un fait étonnant, surprenant dans un film. Alors là, en l'occurrence, je crois que c'est d'actualité par rapport à Deadpool et Wolverine. Effectivement. Alors, je vais vous parler de le premier Avengers, le premier film Avengers de 2012. Alors, on va juste avancer un petit peu. En 2022, Mark Ruffalo, en fait, a produit un documentaire sur la nation Lakota. C'est une nation amérindienne que, évidemment, les États-Unis ont pris leurs terres, etc. Ils ont des très grosses difficultés à garder leurs terres. Ils sont de plus en plus expulsés et compagnie. Et donc, Mark Ruffalo, en fait, s'est pris de passion par cette nation-là en faisant ce documentaire-là, enfin, en produisant ce documentaire-là. Et en fait, il a voulu... perpétuer la langue et garder en fait cet héritage et rendre hommage à cette population-là. Et donc il a demandé à ses cinq coéquipiers, les cinq autres Avengers avec lui, ils leur ont proposé un projet de redoubler le premier Avengers dans la langue des Lakota. Et donc du coup, maintenant, vous pourrez regarder sur Disney, vous aurez accès à la langue, à pouvoir écouter le film Avengers en Lakota, et donc apprendre cette langue-là. C'est incroyable ça. Voilà. Waouh, j'en avais jamais entendu parler de ce truc. Où vas-tu chercher tout ça, je me le demande moi. Et ben en effet, c'est un fait étonnant. Là, pour le coup, tu m'apprends quelque chose. J'irai faire le curieux sur Disney alors. Pour voir ça. Alors juste par curiosité, j'écouterai peut-être 5-10 minutes pour voir ce que ça donne. Voilà. T'as testé, non ? Non, j'ai pas testé. Ça sera l'occasion alors. Voilà, faudra le voir. Merci en tout cas. Donc comme vous le savez, voilà, on se projette un petit peu là dans les prochaines semaine, l'été regorge de blockbusters américains et la rentrée aussi est pas mal non plus. Alors d'ailleurs, en parlant de la rentrée, je crois que toi Aurore, voilà, tu as un film que, alors je sais pas si t'attends énormément, mais en tout cas qui je pense est très attendu. Quel est-il ? Oui, c'est du coup Beetlejuice 2. Oui. Parce qu'on a eu le 1 il y a... Ouf. Pas mal d'années. Je dirais une vingtaine d'années encore, C'est ça. Donc Beetlejuice de Tim Burton, hein, évidemment. C'est le réalisateur de Fantastique Épouvante. On pourrait dire. Oui. Donc là, on retrouve alors un casting 5 étoiles, hein, Michael Keaton, Jenna Ortega, qu'on a vu dans la série notamment Mercredi. Oui. Et puis Winona Ryder, qu'on connaît aussi dans Stranger Things. On va retrouver tout l'univers Beetlejuice, qui fait toujours bien plaisir à voir. Voilà. Ils ont, d'ailleurs, ils ont pas trop. Septembre. Ouais, 11 septembre, mais Ils ont teasé un peu, mais ça va, ils restent... Enfin, ouais. Ils en montent pas trop. Ouais, c'est ça. Alors, on trouve l'univers. Hein, oh, oui. Voilà. Clairement. Là, bah, Tim Burton, hein, voilà. Si vous connaissez pas son univers, franchement, foncez. C'est toujours... c'est assez surprenant, c'est à part, mais ça fait toujours plaisir à voir. Hein, Edouard Romain d'Argent, notamment. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est tous ces films-là qui sont devenus cultes et avec toujours... avec un peu à côté de ce qu'on a l'habitude de voir, ça fait toujours plaisir à voir. Et j'étais même mercredi, en train de me dire lui, hein. mercredi, il a réalisé une partie des épisodes. Ouais, pas tous évidemment, mais et d'ailleurs est-ce que c'est pas la première fois qu'il fait une suite à ses films ou je me trompe? C'est possible, ouais. Ouais, effectivement. C'est pour ça, je me dis, mais attends, mais je crois qu'il a jamais fait de suite à ce film, parce que Alice au Pays des Merveilles, il y a une suite, mais pas de lui. C'est pas. Pas réalisé par lui. D'ailleurs, ça se ressent. que c'est pas Tim Burton derrière la caméra. Donc, ouais, sa première suite, c'est un risque, hein, parce que bon, surtout Beetlejuice, voilà, ça a été un film, voilà, d'époque qui a cartonné. Donc là, faire une suite, voilà, faut que ça corresponde aussi peut-être à la nouvelle génération. Parce que voilà, qu'on n'a peut-être pas connu le précédent. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça sera à la hauteur, je n'en doute pas. Enfin, en tout cas, voilà, je mets pas ma main coupée, mais bon, globalement, il fait ça bien. C'est ça. Et donc, ce sera le 11 septembre. Bien. Et moi, un peu avant, pour rester en période estivale, donc le 14 août prochain, il y a donc le 7e film de la série Alien qui se situe chronologiquement entre les événements du film Alien le 8e passager et Alien le retour, donc Alien Romulus. Donc, quelques années après les événements sur le vaisseau Nostromo, un groupe de jeunes colons de l'espace se retrouve face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers alors qu'ils fouillent les profondeurs d'une station spatiale abandonnée. Alien, toi, ça te botte, t'as jamais vu Aurore, je sais pas. Je connais la scène épique qu'on connaît tous de l'Alien qui sort et que le réalisateur n'avait pas prévenu ses acteurs. voilà, on la connaît tous. Après, non, je crois pas avoir vu. Non, t'as jamais trop regardé Alien. Je sais pas. Ouais, un peu du mal. Ouais. c'est horrifique, hein. Donc là en l'occurrence, donc après donc Ridley Scott qui est à l'origine d'Alien, qui avait réalisé donc Alien Prometheus et Covenant, ça a été un peu mis de côté parce que malheureusement ça n'a pas eu le succès escompté. Il devait y avoir aussi une série Alien réalisée par Ridley Scott, alors qui est prévu l'année prochaine, j'ai vu. D'accord. Pas forcément réalisé par Ridley Scott, mais qui va sortir sur Disney. Et là, en l'occurrence, donc, ça change de réalisateur. Fede Alvarez. Alors, Fede Alvarez, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il est d'origine uruguayenne, pardon. Et il a notamment réalisé le remake d'Evil Dead, il y a quelques années. Et Don't Breathe. Avec l'acteur qui jouait le méchant dans Avatar, là, le général, qui est aveugle. Et en fait, c'est un groupe de jeunes qui veulent cambrioler le gars, sauf que c'est un ancien marine, donc il se retrouve confronté à lui, c'est un huis clos. Ah oui, d'accord. Et franchement, c'était incroyable comme film. Et il a aussi réalisé Millennium, Ce qui ne me tue pas, également. Donc, dans la continuité des trois films suédois, parce qu'il y avait la version américaine avec Daniel Craig et Rooney Mara, mais voilà, ils n'ont pas poursuivi. Donc là, c'est le quatrième tome qui avait été adapté au cinéma. D'accord. Donc c'est son quatrième film au cinéma. Alors moi, je l'attends parce que moi, Alien, pour le coup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est culte. Oui, voilà, on ne peut pas dire autrement. Oui, donc il y a un risque parce que comme c'est culte, passer derrière ce qui a déjà été fait, c'est compliqué. Ça, hein. Ridley Scott lui-même a voulu repasser derrière son premier film, mais il s'est un peu cassé les dents. Donc voilà, je pense que c'est attendu avec quand même impatience. Il y a une sorte de retour un peu aux sources. Et puis bon, voilà, Romulus, voilà, ça fait un peu penser un peu aux origines, à l'Antiquité, etc. Donc bon, voilà, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que voilà, si voilà, Fede Alvarez est aux manettes, en termes de gore, on va être servi, à mon avis. Parce que, bon, Evil Dead, le remake était très sanglant. Alors, il était moins de 16 ans. Je pense pas que le Alien soit moins de 16 ans. Il sera peut-être moins de 12 avec avertissement. Ouais. Pas plus, parce que ça reste quand même du blockbuster grand public. Faut, c'est ça. Donc, il faut que ça c'est ramène ça. Du monde quand même. Il faut que ça rapporte c'est au studio. Mais en tout cas, voilà, j'attends ça impatiemment. Donc, voilà, pour les prochaines sorties. Voilà, Alien, Romulus et donc Beetlejuice. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont titré Beetlejuice, j'ai vu. Beetlejuice 2. Je trouve ça assez drôle d'ailleurs. Ouais. ouais, parce que c'est... faut prononcer trois fois le nom de Beetlejuice pour qu'il ouais. sorte. Ouais. Donc okay. Voilà, peut-être un 3 du coup en perspective, ça. Comme ça, si on le prononce, bah, il va peut-être surgir, on ne sait pas. mais en tout cas, voilà, pour cet été, donc, vous avez Deadpool et Wolverine à aller voir au cinéma. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres films. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt, merci.